Se su. L'amour. Merci beaucoup. Ça vous plaît? Plus de bruit quand même. Dans le nombre d'habitudes, on dit ça. Ah, bah voilà. Eh ben voilà.